أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc alhamdulillah, ça me fait toujours plaisir d'être dans cette mosquée, la mosquée de Sunna, la mosquée de la Sunna à Marseille, et de rencontrer mes frères de la Sunna et de Ahl Sunna. Et donc, yani, j'ai décidé donc de venir vous rendre une petite visite, Inch'Allah, durant mon parcours jusqu'à cet été. Et le sujet dont j'ai décidé de parler avec vous ce soir, c'est une conférence qui s'intitule Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et c'est une conférence tirée des conférences de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et c'est une conférence qu'il a donnée et qui est très bénéfique et qui nous explique des points très importants de l'islam qui sont malheureusement négligés à notre époque et on en a un grand besoin. En particulier ici dans ce pays et en particulier à cette époque. Donc, le Cheikh dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Fa innana sanatakallamu insha'allahu fi hadhihi al-jalsa al-mubaraka, al-mawdu' al-muhim fi al-Islam, yahum kullu muslimin, ala wa huwa al-amr bil-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. والمعروف هو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الطاعات سمي معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه وتألفه والمنكر هو كل ما نهى الله عنه من المعاصي والمخالفات سمي منكرا لأن العقول السليمة والفطر المستقيمة تستنكره وتنفر منه فهو منكر غير مألوف وغير معروف وأعظم المعروف إفراد الله بالعبادة وتوحيده وهذا هو أعظم المعروف Donc, le Cheikh, il commence par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint miséricordieux, le Saint miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et saint et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Ensuite, il dit, nous allons parler dans cette assise d'un sujet très important dans l'islam et qui concerne chaque musulman. Et c'est le sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et le bien en islam, c'est ce qu'on traduit de l'arabe du terme al-ma'ruf. Al-ma'ruf, c'est tout ce qui a été légiféré par Allah comme ordre, et comme obéissance. Et on l'appelle ma'rouf parce que c'est quelque chose qui est connu par les gens qui ont encore une nature qui est saine et qui est pure. C'est quelque chose que la nature saine et pure reconnaît comme étant bonne. Et le munkar, c'est tout ce que Allah a interdit parmi les différentes désobéissances et les différents péchés et les contradictions à l'islam. Et on l'appelle munkar parce que la raison qui est propre et qui est saine, de même que la nature qui est droite, elle le rejette. Elle le réprime. et elle s'enfuit de ces choses-là. Donc, ce sont des choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas connues ou reconnues comme étant bonnes. Et le plus grand de tous les biens, c'est, bien entendu, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration. Ifradullah bil ibadah. Le plus grand de tous les biens, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la priorité, donc la chose à laquelle on doit ordonner avant toute autre chose, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand ma'rouf de toutes les différentes formes de ma'rouf. Si ce ma'rouf-là, il n'est pas établi, eh bien, il n'y a pas de ma'rouf. Hein? Et c'est ce que le cheikh explique. Ensuite, il dit, « فَالْأَمْرُ بِالْتَوْحِيدِ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَعْظَمُ الْمُنْكَرِ الشِّرْكِ » Donc, il dit, le fait d'ordonner le tawhid, c'est la plus grande ordre qu'on peut ordonner aux hommes. D'ordonner aux hommes d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est le plus grand de tous les commandements et la plus grande de toutes les ordres parmi les choses qu'on peut enseigner aux hommes et ordonner aux hommes de respecter parmi le bien. Et le plus grand de toutes les munkars, la chose la plus mauvaise, de toutes les mauvaises choses qu'on peut trouver dans la société, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le plus grand munkar qu'on doit interdire, c'est ce munkar-là, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, il est répandu. Il est répandu à notre époque, il est répandu dans ce pays et il est répandu dans beaucoup de pays, même des pays musulmans également. On retrouve toutes sortes de différentes formes de shirk. Et c'est la priorité d'ordonner le tawhid et d'interdire le shirk. Juste en venant ici, dans mon chemin, avant de partir de Montréal, je suis allé à la pharmacie. J'arrive pour prendre le médicament, je vois une fille musulmane qui travaille dans la pharmacie avec un hijab. Et dans son cou, elle a un collier avec une main, avec l'œil au milieu. Et elle met ça dans son cou, dans son collier, avec la main. Et ça, c'est un objet que les gens mettent dans leur cou en général, c'est pour essayer de se protéger contre le mauvais œil ou contre les mauvais sorts. Et ça, ça rentre dans le shirk de porter ce genre d'objet et de croire que cet objet-là peut nous protéger. Il peut éloigner un mal quelconque de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit, « Man allaka tamimatan, fala asamma Allahu lah. » Celui qui accroche un talisman ou un porte-bonheur ou des choses de ce genre, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui complète pas son affaire. Et donc celui qui porte un objet ou qui porte quelque chose sur lui-même pour se protéger du mauvais sort ou du mauvais œil ou des choses de ce genre, eh bien ça va ne faire que l'affaiblir. Et les ulama ont expliqué que si quelqu'un porte ce genre de choses dans son cou ou n'importe où ailleurs sur son corps, et qu'il pense que ça va être protégé contre le sihr ou contre le mauvais sort, le mauvais œil, et qu'il croit que c'est cet objet-là, par lui-même, qui a un pouvoir de protéger, eh bien ça, c'est une forme de shirk akbar qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam complètement. Celui qui sort ça avec cette aqida dans son cœur, il croit que cet objet-là, elle a un pouvoir en lui-même, ça, c'est une forme de shirk akbar, mukhrij min al-millah. La personne qui fait ça, elle n'est pas musulmane. Même si elle dit la ilaha illallah, même si elle fait la salat 5 fois par jour, même si elle fait Ramadan chaque année, même si elle fait le hajj, même si elle donne la zakat, même si elle donne l'argent aux pauvres pendant toute sa vie, si elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec cette fausse aqida, avec ce shirk akbar, ça ne lui servira à rien au jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran à ce sujet-là, وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On va prendre tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre et on va faire devenir ces œuvres-là comme de la poussière éparpillée par le vent. Ces œuvres n'auront aucune valeur. Et une fois arrivés ici à Paris, il rentre dans une, dans un magasin pour faire du change, pour acheter un billet de train. Et puis, je vois encore une fois cette main dans le cousin, deux femmes musulmanes encore une fois. Alors, je l'ai averti encore une fois que ça se cherche. Puis, la personne, elle le porte. Et elle ne croit pas que cet objet, elle a un pouvoir en lui-même. Mais elle pense que c'est une cause, que c'est un sabbat dans la protection contre ce mal ou ce mauvais œil. Dans ce cas-là, ce n'est pas un shirk akbar. Et ça ne fait pas sortir de l'islam, sauf que c'est une forme de shirk akbar. Et ça aussi, c'est très dangereux parce que ça peut faire tomber quelqu'un dans le shirk akbar par la suite. Et ça peut, ça peut l'amener à quelque chose de plus grave. Et à, ça peut l'amener à croire en cet objet-là. Et à une autre occasion, plusieurs années auparavant, une chose semblable m'est arrivée. Je travaillais quelque part et puis il y a quelqu'un qui est rentré, un enfant qui est rentré avec sa mère et d'autres membres de la famille. Et le petit, le garçon, il avait ce collier, cette chaîne avec la main dans son cou. Et j'ai expliqué à la mère et à l'enfant aussi, j'ai dit, le fait de porter cet objet-là ou cette chaîne dans le cou avec la main et de croire que cette chose-là, ça peut te protéger, ça rentre dans le shirk. C'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice que quelqu'un peut commettre. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, ou qu'on fasse le shirk avec lui. Mais d'autres péchés qui sont moins graves que le shirk, comme les kaba'ir et les autres choses en dehors du shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Mais le shirk, si quelqu'un meurt en commettant une forme de shirk quelconque, il ne sera pas pardonné d'Allah. Et il sera éternellement en enfer. Donc, je lui ai expliqué que le plus grand péché dans l'islam, c'est ça. Et donc, je lui ai expliqué que si elle portait cet objet, si l'enfant portait ça, ou on lui donnait cet objet, en croyant que ça pouvait le protéger contre le haine, le mauvais œil, ou des choses de ce genre, que ça consiste en une forme de shirk akbar. Subhanallah. La femme, elle a dit, non, c'est juste une décoration qu'on a mis comme ça dans son cou. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, non, c'est pas vrai. Vous m'avez dit, quand vous me l'avez donné, vous m'avez dit que ça me protège contre le haine. Subhanallah. Donc, les parents ont été démasqués par l'enfant au moment même où la mère est en train de nier. Allahu Musta'an. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi les exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mentionné dans le kitab al-Tawhid. Il y a un chapitre à propos de ce sujet-là dans le kitab al-Tawhid, écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Eh bien, dans ce chapitre, il mentionne un hadith où il y a 10 personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accepter l'islam, pour donner la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté la bay'a de 9 d'entre eux, et le 10e ne l'a pas accepté. Et il lui a dit, parce que tu portes ce genre de porte-bonheur ou d'amulette dans ton cou. Alors l'homme, il l'a arraché. Et il est venu voir le prophète Hassan. Le prophète Hassan a accepté son témoignage, a accepté sa charade et son kazaïra. Donc, c'est pour expliquer que ça, c'est un exemple de munkar. Et le problème, parfois, c'est que quand on parle de al-amr bil ma'ruf, ou al-nahy anil munkar, les gens pensent automatiquement à interdire toutes sortes de différents péchés. Mais les péchés qui ont rapport avec l'aqida, qui ont rapport avec le tawhid, et qui ont rapport avec la sunna et les fondements de l'islam, ils le négligent, ils le prennent comme si c'était quelque chose de secondaire, comme si ça, on n'a pas besoin d'ordonner, on n'a pas besoin d'ordonner le bien à ce sujet-là, on n'a pas besoin d'interdire le mal, alors que c'est la base de l'islam, alors que c'est le fondement même de la religion d'Allah, c'est la chose par laquelle tous les messagers d'Allah ont débuté leur da'wah. Allah Ta'ala, à chaque fois qu'il dit dans le Coran, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعالى جاوية أشك ناسيون أميساجين كل أرضيح أدري الله إيكارتيجو في الطاغوت. Et c'est le début de la da'wah de tous les messagers. Donc le plus grand montant, c'est le shirk. وَالطَّاعَةُ تَنْدَرْجُ كُلُّهَا تَحْتَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْمُنْكَرَاتُ وَالْمُخَالَفَاتُ كُلُّهَا تَنْدَرْجُ تَحْتَ الْمُنْكَرِ فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته ونهاهم عن الشرك ونهاهم عن الشرك به ومعصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى لأن في التزامهم بالمعروف سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة وفي بعدهم عن المعروف هلاكهم وشقاوتهم في الدنيا والآخرة ففي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مصلحة لهم وحماية لهم وشفقة عليهم من العقوبات فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا في الحقيقة هو الناصح للخلق أما الذي يسكت ويجامل فهذا غاش للخلق هذا غاش للخلق لأنه يراهم على ما يضرهم ولا يبين لهم وينصحهم فهو تركهم على ما هم عليه وهو يعلم أنهم مخطئون أو مخالفون ومتعرضون لعقوبة الله سبحانه وتعالى فهذا في الحقيقة هو الغاش للخلق لأنه لو كان ناصحا لهم لأهمهم أمرهم وعمل على صلاحهم وهدايتهم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مصلحة الفرد ومن مصلحة المجتمع أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من مضرة الفرد ومضرة المجتمع Donc le Cheikh explique que toutes les obéissances que Allah a ordonnées font partie de son obéissance et de son adoration et du fait d'établir le tawhid d'Allah. Et toutes les choses que Allah a interdites, toutes les choses qui sont mauvaises et qui contredisent la charia d'Allah, elles rentrent dans ce qu'on désigne par le terme munkar. Et Allah a créé la création pour son adoration. Il a créé les hommes et les djinns pour être adorés par ses créateurs. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ On est créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a ordonné d'établir son tawhid et son obéissance et nous a interdit le shirk et la désobéissance et la contradiction de son commandement. Et il nous a ordonné de respecter tout ce qui est bien parce que c'est dans ça qu'il y a notre bonheur. Il n'y a pas de bonheur ailleurs que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez que on vit dans une société, on vit dans un environnement qui essaie de nous faire croire que notre bonheur est dans la désobéissance d'Allah. Ils essaient de nous faire croire que notre bonheur est dans le shirk. Ils essaient de nous faire croire que notre bonheur est dans le kufr. Ils essaient de nous faire croire que notre bonheur est dans la bid'a. Ils essaient de nous faire croire que notre bonheur est dans la désobéissance d'Allah et dans le péché, dans l'alcool. Dans d'autres formes d'égarement. Alors que c'est tout à fait le contraire. Notre seul bonheur, notre vrai bonheur, il est uniquement dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance. Et le fait de désobéir à Allah, c'est quelque chose qui nous amène non seulement à notre perte, qui nous amène à des châtiments dans cette dunya ou dans l'autre vie, dans l'Akhira, mais également ça nous amène à notre malheur. À notre malheur. Hein? Et c'est un malheur qui nous attend dans cette dunya et dans l'Akhira. Donc dans le fait d'ordonner le bien et dans le fait d'interdire le mal, il y a un bienfait pour nous-mêmes et pour les autres. Une protection pour nous-mêmes et pour les autres. Contre le malheur et contre les châtiments d'Allah. Donc, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, en réalité, c'est celui qui est le seul qui est sincère et qui veut vraiment le bien pour les hommes. Tandis que celui qui se tait lorsqu'il voit le mal et qui n'ordonne pas le bien, il voit les gens dans l'égarement, il voit les gens dans le shirk, il voit les gens dans le couple, il voit les gens dans la désobéissance d'Allah, il ne dit pas un mot, il ne dit rien, il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, il laisse les gens dans l'égarement, il laisse les gens dans le mal. En réalité, c'est lui qui est le traître. C'est lui qui triche et qui trahit les hommes. C'est lui qui veut du mal aux gens, malheureusement. Allahu al-musta'an. Il voit les gens en train de faire ce qui leur amène du tort à eux-mêmes et qui leur amène de la nuisance pour eux-mêmes. Il ne dit pas un mot. Il fait comme s'il n'avait rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, ça ne me concerne pas, c'est pas de mes affaires. Ça, c'est l'attitude de beaucoup d'entre eux, les musulmans à notre époque. Et en plus de ça, avec les idéologies que les kuffars ont adoptées et qu'ils propagent, comme l'idée de dire, par exemple, vivre et laisser vivre, il faut vivre et laisser vivre. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas se mêler les affaires des autres. C'est pas ce qu'ils essaient de dire. Donc celui qui agit de cette manière-là, c'est parce qu'il est un traître pour l'humanité. C'est quelqu'un qui ne veut pas du bien pour les hommes. Parce qu'il les voit sur ce qui est mauvais pour eux et il les laisse faire. Il ne leur donne même pas le bon conseil. Il ne leur rappelle même pas ce qui est bon pour eux. Une personne honnête, elle n'agit pas comme ça. Si tu vois ton enfant qui est en train de jouer au bord de la rue et que tu vois que les voitures roulent à toute vitesse, le réflexe, c'est quoi? Et tu vas aller, tu vas retenir cet enfant pour l'éviter de tomber dans la rue pour qu'il se fasse frapper. Si tu vois quelqu'un qui va boire de l'eau et tu sais que cette eau-là, elle est empoisonnée, tu vas faire quelque chose pour empêcher cette personne pour qu'elle ne boive pas de cette eau, pour pas qu'elle meure. Eh bien, ça c'est des exemples, mais il y a plein. Tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est dans les exemples dans la dunya. Et dans le din, c'est la même chose. Mais dans le din, c'est encore plus important encore. Tu vois quelqu'un qui s'égare dans ta religion, qui lit des livres de shirk, de kufr, ou qui entend des paroles d'égarement, des livres de bid'ah, ou des choses de ce genre. Tu le vois en train de faire ça, tu dis rien. Tu le laisses faire. Ça, c'est la même chose que si tu laissais ton enfant jouer dans la rue, au bord des routes, et les voitures passent à 100 000 à l'heure, et tu fais rien. C'est encore plus grave que ça, parce que le malheur qui l'attend, cette personne, dans l'au-delà, c'est l'enfer. Et ça, c'est beaucoup plus grave qu'un châtiment qui peut atteindre quelqu'un dans cette lumière, ou qu'un accident que quelqu'un peut avoir dans les affaires de la vie d'ici bas. Et donc, nous, on ne pense pas de cette façon-là. Le musulman, c'est celui qui veut du bien pour les autres. Il ne pense pas qu'à lui-même. Il n'est pas égoïste avec la vérité. Il veut transmettre le bien aux autres. Il veut faire partager le bien aux autres. Il veut faire connaître le bien aux autres. Il ne veut pas juste le garder pour lui-même. Contrairement aux juifs, qui ne veulent pas faire connaître aux gens le bien. Vous n'allez jamais connaître un juif qui va vous dire « Deviens juif ou accepte le judaïsme. » S'il pense qu'il est sur la vérité, pourquoi il le garde pour lui-même? Et on sait que leur religion, elle est fausse, et qu'elle est abrogée par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que même si Moussa alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Mais ça, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre l'attitude de ces gens-là. Et il y a des exemples qui sont mentionnés dans le Coran à ce sujet-là. Alors, sujet. « Kanu la yatanaghawna an munkarin fa'alu. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanaghawna an munkarin fa'alu. » Ils ont été maudits par la langue de Daoud et de Jésus, Isa ibn Maryam. parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils transgressaient les règles d'Allah. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient les uns les autres. Ils se connaissaient les uns les autres et ils savaient les uns les autres quels péchés ils faisaient. Et ils se laissaient les uns les autres faire ces péchés-là, sans se l'interdire les uns les autres. Ils se taisaient lorsqu'ils voyaient les autres en train de faire ces péchés-là. Et des fois, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que j'ai remarqué, Allahu Musta'an, c'est que quand les gens vivent dans un pays, ils viennent d'un pays en particulier, et qu'ils vivent entre eux, par exemple, les musulmans qui viennent de l'Algérie, entre eux, les musulmans qui viennent du Maroc, entre eux, les musulmans qui viennent du Comore, entre eux, les musulmans qui viennent de la Tunisie, entre eux, les gens, certains meurent, certains vivent, ils connaissent les uns des autres. Et quand ils sont entre eux, ils ne s'interdisent pas ces gestes-là qu'ils font les uns avec les autres parce qu'ils disent on se connaît, on vient du même pays, c'est pas grave. Donc c'est accepté par tout le monde. Mais si c'est avec des étrangers, devant des étrangers ou des musulmans de d'autres pays, là ils vont être gênés, ils ne vont pas le faire. Ça fait partie des exemples de cela. Hein? Donc, le vrai musulman, c'est celui qui veut du bien pour les autres et il leur donne le bien et il interdit le mal. Si quelqu'un, comme le Cheikh dit ici, tu vois quelqu'un, tu sais qu'il est dans l'erreur, tu le sais qu'il est en train de faire quelque chose qui le met sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère envers lui, tu vas lui ordonner le bien et tu vas lui interdire le mal. Sinon, la réalité, c'est que tu as trahi cette personne. Tu as trahi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu étais sincère, tu leur aurais ordonné de faire le bien. Tu leur aurais ordonné qu'est-ce qui va leur amener du bien et qu'est-ce qui va les amener à leur guidance. Donc, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est pour le bien de l'individu et c'est pour le bien de la société. Et d'abandonner l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est quelque chose qui amène du mal à l'individu et du mal à la société. Le Cheikh dit, « Ba'dunnaf, wa ba'dunmukhassidin » يقول هذا تدخل في شؤون الآخرين إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فهذا تدخل في شؤون الناس وما الذي سيستفيده من الناس دعهم وشأنهم تقول هذا كلام باطل ومحاجة لله ورسوله وليس هذا تدخلا مذموما هذا تدخل ممدوح أنت حينما ترى شخصا تحيط به النار القريبة منه وتخشى عليه من أن يحترق وإذا عملت على إبعاده هل يعد هذا تدخلا محمودا أو تدخلا مذموما هذا تدخل ممدوح التدخل في شؤون الناس أحيانا يكون واجبا لإنقاذهم من الهلاك وإنقاذهم مما يضرهم وقد ذكر الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرة فقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون donc le chef explique ici il y a déjà qui agissent un petit peu d'une manière lâche, qui utilisent ces arguments qu'on entend maintenant à notre époque. Il ne faut pas rentrer dans les affaires des gens. Il ne faut pas se mêler des affaires des gens. Et donc, quand tu parles d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ils disent non, non, non, ça là, tu rentres dans les affaires qui ne te regardent pas. Ça, c'est les affaires de la vie privée des gens. Et le chef, il dit, et ça, c'est tout à fait faux. Et c'est une opposition à Allah subhanahu wa ta'ala et l'opposition au messager sallallahu alayhi wa sallam. On a vu des exemples de ça, j'en ai vu moi-même, j'en ai entendu moi-même des exemples comme ça. C'est quand il a un commerce, tu vas le voir, tu lui dis, viens akhi, on se voit tous les jours à la mosquée, on se connaît, barakallahu fi, tu fais les efforts, tu vois que dans ton commerce, il y a quelque chose que tu vas ou des choses que tu fais qui sont contraires à l'islam, ya akhi. Ça, c'est haram, tu ne dois pas le faire. Eh bien, il dit, écoute, il dit, on n'est pas à la mosquée, on est dans mon commerce, c'est moi qui est responsable, c'est moi le chef, je fais ce que je veux. à la mosquée, tu me vois, tu me dis salam, ça s'arrête là. Quand je dis, tu ne me parles pas de mes affaires, ça c'est mes affaires. Est-ce que ça c'est l'attitude du mu'min? Est-ce que ça c'est l'attitude du vrai mu'min? Non. Puisque le mu'min, peu importe où il est, qu'il soit dans son commerce, qu'il soit à la mosquée, ou qu'il soit dehors, ou dans la rue, peu importe où il est, il crée Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a dit pas. Istaqullah haythuma kunt. Crée Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe où tu es. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement pour à la mosquée, mais c'est pour tout lieu et tout endroit. Hein? On a fait des choses comme ça. Il y a un frère qui m'a raconté un exemple comme ça. Il m'a dit, je suis allé voir un musulman, il a un commerce, il vend des statues de Bouddha. Et les musulmans, ils vendent des statues de Bouddha. Donc, qu'est-ce que les musulmans font avec ça? Hein? Ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se prosternent devant. Ou bien ils les mettent dans leur commerce pour aller chercher la baraka avec ces statues. Tout ça, c'est des exemples de chiens. Lui, il le vend. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, au frère, c'est pas grave. Je le vends seulement à des bouddhistes. Je le vends à des pas du chiens. C'est pas grave. Ou bien il vend de la cigarette. Ou bien de l'alcool. Mais c'est pas grave, je le vends pas aux musulmans. Ou bien il vend du porc. Il dit, c'est pas grave, je le vends pas aux musulmans. Allah nous sait. C'est haram de le vendre, de la même manière que c'est haram de le manger. Tout ce qui est haram de manger, c'est haram de le vendre. Ça, c'est la règle. Hein? Mais il y en a qui ne comprennent pas, c'est des exemples comme ça. Hein? Donc, le fait de rentrer dans ces affaires-là et de donner la nasiha à ton frère, et de leur donner le bien d'interdire le mal, ça, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle le fait de se mêler des affaires des gens qui est blâmable. Au contraire, ça c'est quelque chose, comme le chien qui le dit, c'est quelque chose de louable. C'est quelque chose même d'obligatoire. De la même manière que si tu vois quelqu'un qui t'approche du feu et qui va brûler, et que tu le prends, tu le tires pour l'éloigner du feu, est-ce que tu vas dire que ça c'est de se mêler des affaires des gens? Est-ce que ça c'est blâmable? Non, tu es en train de le sauver du feu. Eh bien la même chose lorsque tu es en train de lui ordonner le bien. Et de lui interdire le mal, tu es en train de le sauver du feu de l'enfer, qu'il l'attend dans l'au-delà. Et donc ça c'est très important, parce que t'as peur pour lui, tu veux du bien pour lui, t'as peur qu'il brûle. Hein? Donc lorsque tu fais tout ce qui est possible et tout ce qui est dans ta capacité pour l'éloigner de ce qui est mauvais pour lui, ça c'est pas quelque chose de blâmable, c'est quelque chose de louable. Et donc parfois c'est obligatoire de se mêler des affaires des gens, pour les sauver, de ce qui les amène à leur perte et pour les sauver de ce qui est mauvais pour eux. Et Allah, dans plusieurs versets dans le Coran, il parle de l'ordre, de l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il dit qu'il y ait parmi vous un groupe ou une portion parmi les musulmans qui invite les autres au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là auront le succès. Le cheikh dit, « يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْخَيْرِ إلى مصلحتهم ونجاتهم وهذا هو الخير لا يدعون الناس إلى شر إنما يدعونهم إلى خير فالذي يدعو إلى خير هذا محسن وناصح تأمرون بالمعروف هذه من صفات هذه الأمة التي امتازت بها وتنهون عن المنكر خلاف الأمم السابقة فإنها تخلت عن هذا الواجب أو تخلى أكثرها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Donc le chef il dit, ils invitent les gens au bien. Ils invitent les gens à qu'est-ce qui leur amène du bien pour eux-mêmes et qu'est-ce qui va les amener vers leur salut et qu'est-ce qui va les sauver de l'enfer. C'est ça le bien. C'est ça le plus grand bien. Et c'est ça des fois qu'on oublie de faire. Même envers les coupards, on a des voisins qui sont juifs, qui sont chrétiens, qui sont athées, qui sont bouddhistes, qui sont hindous, qui sont n'importe quelle autre religion. On leur fait toutes sortes de bien à nos voisins. On leur donne de la nourriture. On les salue lorsqu'on les voit. On va leur faire un sourire même parfois. Parce que nos voisins, ils ont des droits sur nous. Hein? La politesse et ainsi de suite, même si ce sont des coupards. Mais le plus grand bien que tu peux faire à ton voisin, c'est de l'inviter à l'islam. Combien d'entre nous, on appelle nos voisins pour croire à l'islam? Combien d'entre nous, on appelle nos voisins, qui sont juifs ou chrétiens ou autres, à connaître le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et à accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peu d'entre nous. Et là, rahim Allah. Et donc ça, c'est notre devoir en tant que musulmans d'appeler ces gens-là à ce bien-là. Parce que s'ils meurent sans avoir accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, leur destination, c'est l'enfer. Hein? Donc le plus grand bien que tu peux leur faire à ces gens-là, c'est de les sauver du feu de l'enfer. Et de les amener vers le paradis d'Allah qui est éternel. Hein, en les faisant accepter le tawhid. Donc ça, c'est le plus grand bien que tu dois commencer à faire pour ces gens-là. C'est la priorité. Donc tu appelles les hommes au bien. Et celui qui appelle au bien, c'est lui qui est bienfaisant. C'est lui qui est sincère. Sinon, n'importe qui, même des kuffars, des fois, ils appellent à des choses qui sont bien. Hein? Ils appellent à toutes sortes de bonnes choses, à des aides humanitaires, à toutes sortes de beaux travaux qu'ils font pour aider les pauvres ou pour aider les gens. Mais, en ce qui concerne l'akhira, ce sont des kuffars, ils ne croient pas en rien après la mort. Donc, pour eux, le tawhid et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi au Coran et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, pour eux, ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est ça le vrai bien. Et c'est ça la vraie vérité. Et c'est ça le seul bien vrai. Parce que lorsque tu arrives au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas présenter? Si tu n'as pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas établi le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne t'es pas écarté du shirk, tu t'es pas écarté des innovations et des bid'a, tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Ces bonnes œuvres et le bien que tu fais, ça sert à rien. Donc le plus grand bien, c'est comme on a expliqué, c'est de concentrer nos efforts sur la base, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut du bien, il commence par appeler les gens au bien, pour leur ordonner le ma'rouf. Et c'est ça les caractéristiques qui distinguent cette umma des autres, qui distinguent la umma de l'islam de toutes les autres ummas qui sont venues auparavant. La umma du juif, la umma des chrétiens ou des autres peuples. C'est ces caractéristiques-là qui nous distinguent. Et si quelqu'un recherche à faire partie de cette meilleure nation, car là, ici, il doit procéder et accepter et suivre cet exemple et procéder en lui-même ses caractéristiques. C'est pas si on est la meilleure umma, peu importe ce qu'on fait. Il y a des conditions pour être la meilleure nation. Et la condition, c'est de respecter les règles qui sont mentionnées dans ce verset. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, comme c'est mentionné dans un autre verset. Et les autres peuples avant nous, comme on a dit tout à l'heure, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Yatanahoun, en arabe, ça veut dire qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres. Hein? Donc, il faut s'interdire les uns les autres. Quand on se voit en train de faire quelque chose de haram, on se donne le bon conseil. Amma hadhihi l'umma, faqad mayyazat, ou tamayyazat an al-umam al-ukhra, bi'annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'an al-munkar. سواء تقبل منه أم لم يتقبل منه فهو أدى الواجب الذي عليه لم يرضى أن يجامل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا أصل عام على خاص لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فحصر الفلاح فيهم. الشيخ الإكتشاف الفوين في كي إنفاق يزي cette أمة elle a été distinguée de toutes les autres nations par le fait qu'elle leur donne le bien et qu'elle interdit le mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas du tout compris ce principe-là. Hein? Et qui veulent justement faire tout pour ne pas ordonner le bien et ne pas interdire le mal. Et ils pensent que c'est de cette manière-là qu'ils vont se faire aimer, et qu'ils vont se faire accepter, et qu'ils vont se faire respecter par les coupables, mais par les gens en général. Ils pensent que d'être bon et d'être bien, il faut accepter tout. Il faut être souriant, tout le temps, même quand quelque chose de mal se produit. Et il ne faut pas dénoncer ou condamner quoi que ce soit. Hein? Il faut être toujours en train de dire à tout le monde, oui, oui, hein, c'est correct ce que vous faites. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui nous amène à être la meilleure nation. Hein? À être la meilleure nation, c'est de savoir où passer la limite. Et pour ordonner le bien aux gens et interdire le mal, selon ce que Allah nous a ordonné. Et peu importe que les gens à qui on s'adresse acceptent de nous ou non. Il y a des gens qui pensent que le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de donner la nasiha, que ça se limite uniquement aux personnes de qui on pense ou qu'on sait qu'ils vont accepter de nous. Et s'ils voient quelqu'un et qu'ils pensent que la personne ne va pas accepter, ils disent « Ah, je ne vais pas donner la nasiha. Je ne vais pas ordonner le bien. Je ne vais pas interdire le mal. » Premièrement, ton obligation et ton devoir, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Allah a dit dans le Coran au prophète sallam, « In alayka illa al-balagh. Wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin. » Qu'est-ce qui t'incombe, c'est quoi? C'est de transmettre le message. Et il n'incombe au messager que de transmettre de façon claire le message. Maintenant, est-ce que les gens vont accepter ou est-ce que les gens ne vont pas accepter? C'est pas ton affaire. C'est pas ta responsabilité. C'est pas ton devoir de savoir ou de chercher ça. Le résultat, il ne t'appartient pas. Le résultat, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui guide. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide ce qu'il veut. Donc toi, tu donnes le message qu'on te met. Et Allah, c'est celui qui ouvre les cœurs à qui il veut. Donc toi, tu donnes la nasiha et tu ordonnes le bien et tu interdis le mal. Et c'est tout. Celui qui t'arrête à ça. Et laissez-moi vous dire que si vous essayez de mettre ces principes-là en application dans vos maisons. Premièrement, dans vos personnes, d'ordonner le bien à toi-même, d'interdire le mal à toi-même, ça c'est la priorité. Ensuite, d'ordonner le bien aux autres, et d'interdire le mal aux autres, dans notre maison. Ensuite, dans notre entourage. Hein? Et que vous mettez ces principes-là en application, vous allez voir que rapidement, les résultats vont arriver. Allah va faire que les changements se produisent. Mais si vous restez comme ça, on devient habitué des fois à voir le mal. Et on oublie même de l'interdire parfois, puisqu'on est tellement habitué de le voir. On commence à penser que c'est normal. Et les gens, ils pensent, ils se disent, ben, si je sors dehors aujourd'hui, ce que je dis à la personne, il y a assez de choses parfois avec ce que tu fais, alors que ça fait 10 ans qu'il passe devant moi. Il ne m'a jamais rien dit, et aujourd'hui, si d'un coup, du jour au lendemain, il vient me voir et me dit, tiens, ah, ça, c'est pas correct, pourquoi tu fais ça? Peut-être qu'il va se poser la question, mais pourquoi aujourd'hui, il vient tout d'un coup me dire ça, alors que ça fait 10 ans qu'il me connaît, et c'est aujourd'hui qu'il me dit que c'est pas correct. C'est pas ton problème. Hein? Il ne faut pas penser de cette façon-là. C'est pas parce que tu l'as pas fait hier, ou avant-hier, ou le mois passé, ou l'année passée, ou depuis 5 ans ou 10 ans, qu'aujourd'hui, tu ne dois pas le faire. Commence à le faire aujourd'hui, et tu vas voir par la suite. Mais si tu dis toujours comme ça, tu restes toujours dans le statu quo que tu t'es établi dans ta vie, et que l'entourage et le quartier dans lequel tu vis, les gens ils t'ont vu grandir. Ils m'ont vu grandir, ces gens-là, ils savent. Avant, je faisais des bêtises, maintenant, je suis devenu un musulman plus sérieux. Donc, je ne peux pas aller leur parler, ils vont me dire, oh, regarde comment tu étais avant, maintenant, tu veux nous donner des leçons. Tu veux nous dire quoi faire, que tu veux nous donner les conseils, alors que toi-même, avant, tu étais pire. Ça, c'est pas ton problème. Son problème, c'est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour de la résurrection, chacun il va être jugé pour ce qu'il a fait lui. Mais dans cette dunya, on a tous une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. De transmettre le message, de donner le bon conseil, de donner le bien et le mal. Celui qui l'a fait, il a fait son devoir. Hein? Mais celui qui ne l'a pas fait, c'est lui qui aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Allah, ici dans le surat Al-Imran, le verset 110, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Le fait de croire en Allah, c'est mentionné après l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal dans le verset. Sauf que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de la foi en Allah. Mais c'est pour ça que le chef dit, c'est de ramener quelque chose de général à quelque chose de plus particulier, c'est-à-dire la foi en Allah, c'est quelque chose qui inclut, hein. C'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est inclus dans le fait de croire en Allah, et ça fait partie de la foi. Donc ça veut dire que c'est relié à l'iman. Plus ta foi augmente, plus tu dois ordonner le bien, plus tu dois interdire le mal. Si tu constates que tu n'ordonnes pas le bien, et que tu n'interdis pas le mal, ça veut dire que ta foi est faible. Si tu n'ordonnes pas le bien, et que tu n'interdis pas le mal, ça veut dire que ta foi est faible. Il y a un problème dans ta foi. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui d'entre vous, « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illa yastati' fa bi lisanihi fa illa yastati' fa bi qalbihi » وذلك أضعف الإيمان. الفقهاء ما في celui d'entre vous qui voit un munkar, qui voit quelque chose de mal, qui le change par sa main, il est capable. Comme quelqu'un qui est un père de famille, qui dans sa maison il a une autorité, il est responsable, il voit ses enfants, sa femme, ses proches, qui désobéit à Allah, il a le pouvoir dans sa maison de changer ce mal. Il voit ses femmes, ses filles, ses garçons qui regardent la télévision, qui regardent des choses qui sont haram, c'est son devoir de l'enlever, parce que c'est une source de munkar. Hein? Et c'est une influence négative. Il est responsable de ce munkar dans sa maison. Et s'il ne l'enlève pas, et que ses enfants sont corrompus et sont pervers à cause de ce qu'ils voient à la télévision, c'est sa faute à lui. Parce qu'il a l'autorité, le devoir et la responsabilité de l'enlever, mais il le laisse à l'intérieur. Et dans certains pays, même dans certaines, même ici ou ailleurs, déjà dans les pays musulmans et dans les familles musulmanes, ils mettent la télévision et une télé dans chaque pièce des fois. Des fois, il y a une télévision dans la salle à manger, là où les gens se réunissent pour manger. Et tout le monde regarde en même temps. Le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs, tout le monde. Et quand il y a des choses haram, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est la honte pour tout le monde. Et pour ça, c'est ça qu'on voit dans les pays musulmans, et c'est ça qu'on voit ici. Hein? Maintenant, même les gens qui ont des snacks, ils achètent des restaurants, des snacks. Maintenant, ils ont mis des télés. Des grosses télés dans chaque restaurant, ou dans chaque café, ou dans chaque endroit où ils ont un commerce. Subhanallah, qu'est-ce que c'est nécessaire? Quand tu viens manger, il y a une télé devant toi. Et parfois, il y a des choses haram qui passent, les gens sont assis, ils regardent ça. Subhanallah, non seulement tu veux faire le péché pour toi-même, tu veux l'imposer aux autres. Hein? Tu fais la tentation pour tes frères. Tout ça, c'est des choses haram. Hein? Et le péché que les gens font en public, c'est plus dangereux que le péché que quelqu'un fait en privé. Le prophète sallam a dit, « Kullu ummati mu'affa, illa al-mujahirun. » Ma umma sera pardonnée, toute ma umma sera pardonnée, excepté ceux qui exposent leurs péchés. Ceux qui les font en public. C'est plus grave que celui qui fait un péché quand il est en privé. Hein? Parce que quand il fait le péché en public, eh bien, c'est quelque chose qui a de l'influence sur les autres. C'est quelque chose qui fait que ce péché-là se propage. C'est pour ça que quelqu'un, lorsqu'il fait un péché, un homme ou une femme, et qu'il désobéit à Allah de manière constante et permanente, Et s'il le fait devant tout le monde, c'est plus grave que lorsque quelqu'un fait un péché une fois, et puis qu'il se repent après par la suite, et qu'il le fait en privé entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il limite le mal à lui-même, à sa personne. Donc ça, c'est un point important, il faut bien comprendre. Les ulama, ils disent al-sagira, al-israr al-sagira, yani-sousayyirouha kabira. Mais le fait de persister à faire un petit péché, ça fait devenir ce petit péché-là un grand péché. Un petit péché, tu le répètes sans arrêt, sans cesse, ça devient un grand péché. Un petit péché, peut-être que tu fais en privé, tu le fais devant tout le monde, ça devient un grand péché. Un péché que tu fais une fois et tu te repens à Allah, à Allah, tu demandes pardon, c'est pas la même chose qu'un péché que tu fais continuellement à chaque fois. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont établi leur vie sur des péchés et ils continuent tous les jours à faire ces péchés-là, comme si c'est normal. Et la raison pourquoi ces choses-là se produisent et les choses persistent de cette manière-là souvent, c'est parce qu'on a arrêté de faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal entre nous. Donc, ça fait partie de la foi, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et Allah s'en a dit à la fin du verset, « Wa ulaika humul muflihun. » Ceux-là sont ceux qui auront le falah, qui auront le muflihun. Ça veut dire que c'est eux seulement qui auront le succès, pas les autres. Ceux qui ordonnent le bien et ceux qui interdisent le mal, c'est seulement eux qui auront le succès, pas les autres. Donc, si tu veux le succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ordonner le bien et interdire le mal. Le Cheikh dit, « Amma alladhina la yamuruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, falaysa min ahli al-falah. » Il dit, ceux qui n'ordonnent pas le bien et qui n'interdisent pas le mal, alors ils ne font pas partie des gens du succès. Il y a des gens qui pensent que pour ordonner le bien et interdire le mal à quelqu'un, il faut qu'ils deviennent l'ami de cette personne. Et il faut qu'il reste avec cette personne pendant un an, deux ans, trois ans, pour arriver à la connaître bien. Pour après ça, peut-être oser commencer à lui parler et lui dire, faire si ça ne se passe pas bien. Mais ça, ce n'est pas une condition. Il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna qui dit que pour que tu ordonnes à quelqu'un de faire le bien et pour que tu lui interdises de faire un mal quelconque, il faut que tu connaisses la personne pendant un tel nombre d'années. Ce n'est pas une condition. Parce que tu ne sais même pas si tu vas vivre jusqu'à tout ce nombre d'années-là, et tu ne sais même pas si la personne va vivre jusqu'à demain. Et lors, dans l'ordre, c'est d'ordonner le bien d'interdire le mal, lorsque tu vois le mal, donc tu l'ordonnes et tu l'interdis. Mais la raison pourquoi ils pensent comme ça, les gens, c'est parce qu'ils oublient. Beaucoup de gens oublient que ce n'est pas relié à l'acceptation de la personne. Ce n'est pas une condition que la personne accepte la nasiha ou que la personne accepte que tu lui ordonnes le bien ou que tu lui interdises le mal. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le résultat c'est Allah qui décide. L'important c'est que tu fasses ton devoir et que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal. Bien entendu avec les conditions nécessaires pour le faire. La première condition, c'est l'ilm. Il faut avoir de l'ilm. Parce que si tu veux interdire le mal, il faut que tu saches que cette chose-là, elle est mal. Il faut que tu dises que cette chose-là, c'est un munkar. Il faut que tu saches que cette chose est un munkar. Et ça, ça prend de l'ilm. C'est-à-dire, il faut que tu connaisses le dalil. Il faut que tu connaisses la preuve du Coran et de la Sunna que cette chose est un munkar. Parce que si tu ne connais pas la dérive, tu vas voir la personne qui dit « Ah, ça c'est haram. » Tu vas dire « Mais, c'est quoi la preuve que c'est haram ?» Il dit « Je ne sais pas. » Non, ça, c'est pas, tu ne vas pas convaincre la personne. Il faut que tu ailles voir la personne avec elle, avec science. Une preuve du Coran et de la Sunna. Pas « J'ai entendu dire. » comme certains parfois, qu'est-ce qu'ils font? Il va voir quelqu'un et dire, ah, tout ça c'est haram. C'est quoi le dalil? J'ai entendu dire. Non, ça, ça ne va pas convaincre la personne. Il faut que tu amènes à la personne le dalil de la kitab ou le sunna. Le dalil le sahih. Après, tu lui expliques. Si c'est une question sur laquelle il y a divergence entre les ulama et que toi tu veux lui interdire et que tu n'as pas d'ilm, la personne ne va pas accepter non plus. Donc, comme on disait, s'il y a une question sur laquelle il y a une divergence entre les ulama et que tu ne connais pas les détails de la question, tu ne connais pas les différentes positions et les différentes phases des ulama sur la question, eh bien, c'est certain que la personne qui va lui parler, elle ne va pas accepter ce que tu vas lui dire. Il faut que tu ailles à elle. Il faut que tu connaisses les détails de la question pour être capable de clarifier la chose à la personne. Pour que, Inch'Allah, elle puisse comprendre et accepter. Et ensuite, il faut avoir de la hikma, de la sagesse. C'est faire preuve de sagesse lorsque tu veux ordonner le bien et interdire le mal. C'est pas de n'importe quelle manière. Et il faut avoir aussi un lien. Un lien, ça veut dire de la douceur. Tu ne vas pas aller avec le visage renfrogné, bête. Tu regardes la personne. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour la personne, c'est fâché, tu regardes la personne avec un visage méchant, la personne ne va pas accepter de toi. Est-ce que tu penses que si tu regardes la personne de cette façon-là, est-ce que ça c'est le visage de quelqu'un qui veut du bien pour l'autre? Est-ce que quand la personne elle se voit approcher vers elle avec ce visage-là, est-ce que cette personne-là va sentir que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir lui donner un conseil pour son bien à elle? Jamais de la vie. Donc, quand tu veux donner la nasiha à quelqu'un, tu vas avec un visage paisible, un visage avec un visage souriant, ou bien au moins, pas avec le visage renfrogné. Et tu montres à la personne que ce n'est pas agressif, ce n'est pas nerveux, tu vas calmement. Si tu sens que tu es nerveux, si tu sens que tu es fâché ou que tu es nerveux, c'est mieux de laisser le temps jusqu'à ce que tu te calmes. Calme-toi bien, après va voir la personne, lorsque tu es reposé, là tu vas aller voir la personne. Parce que la nasiha, tu le fais pour Allah, tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais pas pour te montrer, ou bien pour montrer ta force, ou ton courage, ou ta personnalité. Tu le fais pour plaire à Allah, et pour le bien de cette personne. Donc calme-toi, ne sois pas un visage fâché ou méchant, sois pas brutal ou bête ou agressif avec la personne, utilise la sagesse et la douceur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire. Hein? Et également, une condition dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est que le mal que tu veux interdire ne va pas être plus grand. Hein? Une fois que tu l'auras interdit, ça ne va pas ramener un mal plus grand que celui que tu veux interdire. Et si tu vois que les conséquences de ton interdiction du mal ou de ton ordonnance du bien va ramener un mal plus grand que celui que tu veux arrêter, alors ça là, abstiens-toi de le faire. Abstiens-toi de le faire dans ce cas-là. Et le cheikh il dit, donc, ensuite, « لأن الله حفر الفلاح كالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الصفات هذه الصفات وهذه الأمة أخرجت للناس ما اقتصرت على نفسها بل أنها نشرت الخير في العالم بواسطة الدعوة والجهاد وإقامة الحدود والتعزيرات والتعزيزات ومنع المخالفات لأجل صلاح العالم وقد تحقق هذا في جهاد المسلمين وفتحهم للبلاد ونشرهم للعلم ودخول الناس في دين الله أفواجا بعدما كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء خرجوا من الظلمات إلى النور بواسطة هذه الأمة المحمدية فهي خير الأمم. Donc, le chef, il dit, puis on va s'arrêter avec cette partie aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la suite demain, si il est là, après le forum. Le chef, il dit donc que ceux qui ordonnent le bien, c'est ceux qui auront le salah. Ce sont seulement eux qui auront le salah. Ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, comme Allah le mentionne dans le verset. Et ces caractéristiques-là, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de croire en Allah, ce sont les caractéristiques de notre Ummah. La meilleure Ummah qui est sortie pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas limité le bien à elle seule. Elle ne s'est pas arrêtée au bien qu'elle a pour elle-même. Elle a voulu le propager. Elle a propagé ce bien-là pour toutes les autres peuples, pour toutes les nations. Parce que c'est sa responsabilité. Allah a mis cette responsabilité-là sur ses épaules. Et par l'intermédiaire de cette Ummah, la da'wa s'est propagée dans le monde entier. Et le jihad a propagé l'islam dans le monde entier également. À l'époque du prophète, l'islam n'était qu'à Médine et dans les alentours. Qu'est-ce qui a fait que le monde entier connaisse l'islam par la suite? C'est par la transmission de l'islam à travers du jihad et de la da'wa. Hein? Et l'établissement des thèmes et des règles. Hein, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui a fait que le monde entier a connu le bien avec l'islam de cette manière. Les musulmans n'ont pas dit on va garder l'islam pour nous et on va s'imiter à nous-mêmes. Et les sahaba n'ont pas dit on va rester nous musulmans seulement et on ne veut pas le faire connaître à personne. Nous, on va garder l'islam pour nous seulement. Ils ont dit non, ils l'ont partagé aux autres. Aujourd'hui, à notre époque, Allah nous ta'ala, tous les musulmans ils ont cette mentalité-là. L'islam, c'est pour nous. C'est notre religion. Et c'est comme s'ils pensent que c'est quelque chose juste pour eux. Et les autres, ils n'ont pas besoin de le connaître. La tombine ou comme Wali a dit. Ils pensent que c'est ça la signification du verset. La tombine ou comme Wali a dit, ça ne veut pas dire à nous l'islam, hein, puis à eux le christianisme, qui s'arrête là, on s'arrête là. Ou à eux le judaïsme, ou à eux le chef et le fort. Et nous, on a l'islam. Non. Ça veut dire. Nous, on a la religion de vérité, et il faut appeler les autres à cette vérité-là. Et si eux, ils sont dans le Babel, et qu'ils ne veulent pas accepter le Haq, au jour de la résurrection, on a transmis le message, on les a appelés, s'ils n'ont pas accepté, ils auront à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est le fait que l'islam s'est propagé à travers le monde, et que les gens ont commencé à entrer dans l'islam par groupe, alors qu'ils étaient auparavant dans l'ignorance totale, dans l'égarement total, et par l'intermédiaire de l'islam et de la lumière, qu'Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette Ummah est devenue la meilleure Ummah qui est venue pour les hommes. Donc on va, Inch'Allah, s'arrêter pour maintenant avec cette explication-là, et on va continuer demain la suite de ce que le Cheikh a expliqué. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à clarifier sur ce sujet-là, c'est pour ça que je m'arrête à chaque fois pour faire des explications ou donner des exemples, parce que des fois ça aide à comprendre mieux le sujet, et c'est très important, donc, Inch'Allah, que Allah nous aide à réformer notre communauté, à réformer cette Ummah, à changer le mal de la façon que Allah nous ordonne de le faire, à ne pas dépasser les limites d'Allah dans cette voie. Et à travers les autres, la suite de l'explication, on va en profiter pour clarifier beaucoup d'autres points qui sont parfois ambigus ou qui sont moins clairs pour certaines personnes. Inch'Allah, on espère que Allah nous donne tant dans la compréhension de ce principe de la religion de l'islam qui est fondamental pour nous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.